Livre 10, deuxième partie. Ce même père Berthier avait la connaissance de deux hommes qui recherchèrent aussi la mienne, je ne sais pourquoi, car il y avait assurément peu de rapport entre leurs goûts et les miens. C'étaient des enfants de Melchisédek, dont on ne connaissait ni le pays, ni la famille, ni probablement le vrai nom. Ils étaient jansénistes et passaient pour des prêtres déguisés, peut-être à cause de leur façon ridicule de porter les rapières auxquelles ils étaient attachés. Le mystère prodigieux qu'ils mettaient à toutes leurs allures leur donnait un air de chef de parti, et je n'ai jamais douté qu'ils ne fissent la gazette ecclésiastique. L'un, grand, bénin, patelin, s'appelait monsieur Ferraud. L'autre, petit, trapu, ricaneur, pointilleux, s'appelait monsieur Minard. Ils se traitaient de cousins. Ils logeaient à Paris, avec d'Alembert, chez sa nourrice, appelée madame Rousseau. Et ils avaient pris à Montmorency un petit appartement pour y passer les étés. Ils faisaient leur ménage eux-mêmes, sans domestique et sans commissionnaire. Ils avaient alternativement chacun sa semaine pour aller aux provisions, faire la cuisine et balayer la maison. D'ailleurs, ils se tenaient assez bien. Nous mangions quelquefois les uns chez les autres. Je ne sais pas pourquoi ils se souciaient de moi. Pour moi, je ne me souciais d'eux que parce qu'ils jouaient aux échecs. Et pour obtenir une pauvre petite partie, j'endurais 4 heures d'ennui. Comme ils se fourraient partout et voulaient se mêler de tout, Thérèse les appelait les commères, et ce nom leur est demeuré à Montmorency. Tels étaient, avec mon hôte monsieur Matasse, qui était un bon homme, mes principales connaissances de campagne. Il m'en restait assez à Paris pour y vivre, quand je voudrais, avec agrément, hors de la sphère des gens de lettres, où je ne comptais que le seul Duclos pour ami. Car Delaire était encore trop jeune, et quoique, après avoir vu de près les manœuvres de la clique philosophique à mon égard, il s'en fût tout à fait détaché, ou du moins je le crus ainsi. Je ne pouvais encore oublier la facilité qu'il avait eue à se faire auprès de moi le porte-voix de tous ces gens-là. J'avais d'abord mon ancien et respectable ami, M. Roguin. C'était un ami du bon temps, que je ne devais point à mes écrits, mais à moi-même, et que pour cette raison j'ai toujours conservé. J'avais le bon Lénieps, mon compatriote, et sa fille, alors vivante, madame Lambert. J'avais un jeune Genevois, appelé Coindé, bon garçon, ce me semblait, soigneux, officieux, zélé, mais ignorant, confiant, gourmand, avantageux, qui m'était venu voir dès le commencement de ma demeure à l'Ermitage, et, sans autre introducteur que lui-même, s'était bientôt établi chez moi, malgré moi. Il avait quelque goût pour le dessin et connaissait les artistes. Il me fut utile pour les estampes de la Julie. Il se chargea de la direction des dessins et des planches et s'acquitta bien de cette commission. J'avais la maison de M. Dupin, qui, moins brillante que durant les beaux jours de Mme Dupin, ne laissait pas d'être encore, par le mérite des maîtres et par le choix du monde qui s'y rassemblait, une des meilleures maisons de Paris. Comme je ne leur avais préféré personne, que je ne les avais quittés que pour vivre libre, ils n'avaient point cessé de me voir avec amitié, et j'étais sûre d'être en tout temps bien reçue de Mme Dupin. Je la pouvais même compter pour une de mes voisines de campagne, depuis qu'il s'était fait un établissement à Clichy, où j'allais quelquefois passer un jour ou deux, et où j'aurais été davantage si Mme Dupin et Mme de Chenonceau avaient vécu de meilleure intelligence. Mais la difficulté de se partager dans la même maison entre deux femmes qui ne sympathisaient pas me rendit Clichy trop gênant. Attaché à Mme de Chenonceau d'une amitié plus égale et plus familière, j'avais le plaisir de la voir plus à mon aise, à Deuil, presque à ma porte, où elle avait loué une petite maison, et même chez moi, où elle me venait voir assez souvent. J'avais Madame de Crec, qui, s'étant jetée dans la haute dévotion, avait cessé de voir les d'Alembert, les Marmontel et la plupart des gens de lettres, excepté, je crois, l'abbé Trublet, manière alors de demi-cafard, dont elle était même assez ennuyée. Pour moi, qu'elle avait recherché, je ne perdis pas sa bienveillance ni sa correspondance. Elle m'envoya des poulardes, du Mans, aux étrennes, et sa partie était faite pour venir me voir l'année suivante, quand un voyage de Madame de Luxembourg croisa le sien. Je lui dois ici une place à part. Elle en aura toujours une distinguée dans mes souvenirs. J'avais un homme qu'excepté Roguin, j'aurais dû mettre le premier en compte, mon ancien confrère et ci-devant de Cario, ci-devant secrétaire titulaire de l'ambassade d'Espagne à Venise, puis en Suède, où il fut par sa cour chargé des affaires et enfin nommé réellement secrétaire d'ambassade à Paris. Il me vint surprendre à Montmorency lorsque je m'y attendais le moins. Il était décoré d'un ordre d'Espagne, dont j'ai oublié le nom, avec une belle croix en pierrerie. Il avait été obligé, dans ses preuves, d'ajouter une lettre à son nom de Cario et portait celui du chevalier de Carion. Je le trouvais toujours le même excellent cœur, l'esprit de jour en jour plus aimable. J'aurais repris avec lui la même intimité qu'auparavant, si Coindé, s'interposant entre nous à son ordinaire, n'eût profité de mon éloignement pour s'insinuer à ma place et en mon nom dans sa confiance, et me supplanter à force de zèle à me servir. La mémoire de Carion me rappelle celle d'un de mes voisins de campagne, dont j'aurais d'autant plus de tort de ne pas parler que j'en ai à confesser un bien inexcusable envers lui. C'était l'honnête monsieur Leblond, qui m'avait rendu service à Venise, et qui, étant venu faire un voyage en France avec sa famille, avait loué une maison de campagne à La Briche, non loin de Montmorency. Sitôt que j'appris qu'il était mon voisin, j'en fus dans la joie de mon cœur et me fis encore plus une fête qu'un devoir d'aller lui rendre visite. Je partis pour cela dès le lendemain. Je fus rencontré par des gens qui me venaient voir moi-même et avec lesquels il fallut retourner. Deux jours après, je pars encore. Il avait dîné à Paris avec toute sa famille. Une troisième fois, il était chez lui. J'entendis des voix de femmes, je vis à la porte un carrosse qui me fit peur. Je voulais du moins, pour la première fois, le voir à mon aise et causer avec lui de nos anciennes liaisons. Enfin, je remis si bien ma visite de jour à autre que la honte de remplir si tard un pareil devoir fit que je ne le remplis point du tout. Après avoir osé tant attendre, je n'osais plus me montrer. Cette négligence, dont M. Leblond ne put qu'être justement indigné, donna vis-à-vis de lui l'air de l'ingratitude à ma paresse. Et cependant, je sentais mon cœur si peu coupable que si j'avais pu faire à M. Leblond quelque vrai plaisir, même à son insu, je suis bien sûr qu'il ne m'eût pas trouvé paresseux. Mais l'indolence, la négligence et les délais dans les petits devoirs à remplir m'ont fait plus de tort que de grands vices. Mes pires fautes ont été d'omission. J'ai rarement fait ce qu'il ne fallait pas faire, et malheureusement, j'ai plus rarement encore fait ce qu'il fallait. Puisque me voilà revenu à mes connaissances de Venise, je n'en dois pas oublier une qui s'y rapporte, et que je n'avais interrompue, ainsi que les autres, que depuis beaucoup moins de temps. C'est celle de M. de Jonville, qui avait continué, depuis son retour de Gênes, à me faire beaucoup d'amitié. Il aimait fort à me voir et à causer avec moi des affaires d'Italie et des folies de M. de Montaigu, dont il savait, de son côté, bien des traits par les bureaux des affaires étrangères, dans lesquels il avait beaucoup de liaisons. J'eus le plaisir aussi de revoir chez lui mon ancien camarade Dupont, qui avait acheté une charge dans sa province et dont les affaires le ramenaient quelquefois à Paris. monsieur de Jonville, devint peu à peu si empressé de m'avoir qu'il en était même gênant. Et quoique nous logeassions dans des quartiers fort éloignés, il y avait du bruit entre nous quand je passais une semaine entière sans aller dîner chez lui. Quand il allait à Jonville, il m'y voulait toujours emmener. Mais y étant une fois allé passer 8 jours, qui me parurent fort longs, je n'y voulus plus retourner. Monsieur de Jonville était assurément un honnête et galant homme, aimable même à certains égards. Mais il avait peu d'esprit. Il était beau, tant soit peu narcisse, et passablement ennuyeux. Il avait un recueil singulier et peut-être unique au monde, dont il s'occupait beaucoup et dont il occupait aussi ses hôtes, qui, quelquefois, s'en amusaient moins que lui. C'était une collection très complète de tous les vaudevilles de la cour et de Paris, depuis plus de 50 ans, où l'on trouvait beaucoup d'anecdotes qu'on aurait inutilement cherchées ailleurs. Voilà des mémoires pour l'histoire de France, dont on ne s'aviserait guère chez toute autre nation. Un jour, au fort de notre meilleure intelligence, il me fit un accueil si froid, si glaçant, si peu dans son ton ordinaire, qu'après lui avoir donné occasion de s'expliquer, et même l'en avoir prié, je sortis de chez lui avec la résolution, que j'ai tenue, de n'y plus remettre les pieds. Car on ne me revoit guère où j'ai été une fois mal reçu, et il n'y avait point ici de Diderot qui plaida pour monsieur de Jonville. Je cherchais vainement dans ma tête quel tort je pouvais avoir avec lui. Je ne trouvais guère. J'étais sûr de n'avoir jamais parlé de lui ni des siens que de la façon la plus honorable, car je lui étais sincèrement attaché, et, outre que je n'en avais que du bien à dire, ma plus inviolable maxime a toujours été de ne parler qu'avec honneur des maisons que je fréquentais. Enfin, à force de ruminer, voici ce que je conjecturais. La dernière fois que nous nous étions vus, il m'avait donné à souper chez des filles de sa connaissance, avec 2 ou 3 commis des affaires étrangères, gens très aimables, et qui n'avaient point du tout l'air ni le ton libertin. Et je puis jurer que de mon côté, la soirée se passa à méditer assez tristement sur le malheureux sort de ces créatures. Je ne payais pas mon écho parce que monsieur de Jonville n'eût donné à souper, et je ne donnais rien à ses filles parce que je ne leur fis point gagner, comme à la Padoana, le paiement que j'aurais pu leur offrir. Nous sortîmes tous assez gais et de très bonne intelligence. Sans être retourné chez ses filles, j'allai 3 ou 4 jours après dîner chez monsieur de Jonville, que je n'avais pas revu depuis lors, et qui me fit l'accueil que j'ai dit. N'en pouvant imaginer d'autre cause que quelque malentendu relatif à ce souper, et voyant qu'il ne voulait pas s'expliquer, je pris mon parti et cessai de le voir. Mais je continuai de lui envoyer mes ouvrages. Il me fit faire souvent des compliments. Et l'ayant un jour rencontré au chauffoir de la Comédie, il me fit, sur ce que je n'allais plus le voir, des reproches obligeants qui ne m'y ramenèrent pas. Ainsi, cette affaire avait plus l'air d'une bouderie que d'une rupture. Toutefois, ne l'ayant pas revu, et n'ayant plus ouï parler de lui depuis lors, il eût été trop tard pour y retourner au bout d'une interruption de plusieurs années. Voilà pourquoi monsieur de Jonville n'entre point ici dans ma liste, quoique j'eusse assez longtemps fréquenté sa maison. Je n'enflerai point la même liste de beaucoup d'autres connaissances moins familières ou qui, par mon absence, avaient cessé de l'être, et que je ne laissais pas de voir quelquefois en campagne, tant chez moi qu'à mon voisinage, tels par exemple que les abbés de Condillac, de Mably, messieurs de Méran, de Lalive, de Boisgeloup, Vatelet, Ancelet, et d'autres, qu'il serait trop long de nommer. Je passerai légèrement aussi sur celle de monsieur de Margency, gentilhomme ordinaire du roi, ancien membre de la coterie holbachique, qu'il avait quitté ainsi que moi, et ancien ami de madame d'Épinay, dont il s'était détaché ainsi que moi. ni sur celle de son ami Desmahis, auteur célèbre mais éphémère, de la comédie de l'impertinent. Le premier était mon voisin de campagne, sa terre de Margency étant près de Montmorency. Nous étions d'anciennes connaissances, mais le voisinage et une certaine conformité d'expérience nous rapprochèrent davantage. Le second mourut peu après. Il avait du mérite et de l'esprit, mais il était un peu l'original de sa comédie, un peu fat auprès des femmes, et n'en fut pas extrêmement regretté. Mais je ne puis omettre une correspondance nouvelle de ce temps-là, qui a trop influé sur le reste de ma vie pour que je néglige d'en marquer le commencement. Il s'agit de M. de Lamoignon de Malesherbes, premier président de la Cour des Aides, chargé pour lors de la librairie, qu'il gouvernait avec autant de lumière que de douceur, et à la grande satisfaction des gens de lettres. Je ne l'avais pas été voir à Paris une seule fois. Cependant, j'avais toujours éprouvé de sa part les facilités les plus obligeantes quant à la censure, et je savais qu'en plus d'une occasion, il avait fort malmené ceux qui écrivaient contre moi. J'eus de nouvelles preuves de ses bontés au sujet de l'impression de la Julie, car les épreuves d'un si grand ouvrage étaient fort coûteuses à faire venir d'Amsterdam par la poste. Il permit, ayant ses ports francs, qu'elles lui fussent adressées, et il me les envoyait franches aussi, sous le contre-seing de Monsieur le chancelier son père. Quand l'ouvrage fut imprimé, il n'en permit le débit dans le royaume qu'en suite d'une édition qu'il en fit faire à mon profit, malgré moi-même. Comme ce profit eût été de ma part un vol fait à Ré, à qui j'avais vendu mon manuscrit, non seulement je ne voulus point accepter le présent qui m'était destiné pour cela, sans son aveu qu'il accorda très généreusement, mais je voulus partager avec lui les 100 pistoles à quoi monta ce présent, et dont il ne voulut rien. Pour ces 100 pistoles, j'eus le désagrément dont M. de Malesherbes ne m'avait pas prévenu, de voir horriblement mutiler mon ouvrage et empêcher le débit de la bonne édition jusqu'à ce que la mauvaise fût écoulée. J'ai toujours regardé M. Malesherbes comme un homme d'une droiture à toute épreuve. Jamais rien de ce qui m'est arrivé ne m'a fait douter un moment de sa probité. Mais, aussi faible qu'honnête, il nuit quelquefois aux gens pour lesquels il s'intéresse, à force de les vouloir préserver. Non seulement il fit retrancher plus de 100 pages dans l'édition de Paris, mais il fit un retranchement qui pouvait porter le nom d'infidélité dans l'exemplaire de la bonne édition qu'il envoya à Madame de Pompadour. Il est dit quelque part dans cet ouvrage que la femme d'un charbonnier est plus digne de respect que la maîtresse d'un prince. Cette phrase m'était venue dans la chaleur de la composition, sans aucune application, je le jure. En relisant l'ouvrage, je vis qu'on ferait cette application. Cependant, par la très imprudente maxime de ne rien ôter par égard aux applications qu'on pouvait faire, quand j'avais dans ma conscience le témoignage de ne les avoir pas faites en écrivant, je ne voulus point ôter cette phrase, et je me contentais de substituer le mot « prince » au mot « roi » que j'avais d'abord mis. Cet adoucissement ne parut pas suffisant à M. de Malesherbes. Il retrancha la phrase entière dans un carton qu'il fit imprimer exprès et coller aussi proprement qu'il fut possible dans l'exemplaire de Madame de Pompadour. Elle n'ignora pas ce tour de passe-passe. Il se trouva de bonnes âmes qui l'en instruisirent. Pour moi, je ne l'appris que longtemps après, lorsque je commençais d'en sentir les suites. N'est-ce point encore ici la première origine de la haine couverte, mais implacable, d'une autre dame qui était dans un cas pareil, sans que j'en susse rien, ni même que je la connusse quand j'écrivis ce passage? Quand le livre se publia, la connaissance était faite, et j'étais très inquiet. Je le dis au chevalier de Lorenzi, qui se moqua de moi et m'assura que cette dame en était si peu offensée qu'elle n'y avait pas même fait attention. Je le crus, un peu légèrement peut-être, et je me tranquillisais, fort mal à propos. je reçus, à l'entrée de l'hiver, une nouvelle marque des bontés de Monsieur de Malesherbes, à laquelle je fus fort sensible, quoique je ne jugeasse pas à propos d'en profiter. Il y avait une place vacante dans le journal des savants. Margency m'écrivit pour me la proposer, comme de lui-même. Mais il me fut aisé de comprendre, par le tour de sa lettre, Lias C. numéro 33, qu'il était instruit et autorisé. Et lui-même me marqua dans la suite, Lias C. numéro 47, qu'il avait été chargé de me faire cette offre. Le travail de cette place était peu de chose. Il ne s'agissait que de 2 extraits par mois dont on m'apporterait les livres, sans être obligé jamais à aucun voyage de Paris, pas même pour faire au magistrat une visite de remerciement. J'entrais par là dans une société de gens de lettres du premier mérite, messieurs de Méran, Clairaut, de Guigne et l'abbé Barthélemy, dont la connaissance était déjà faite avec les 2 premiers, et très bonne affaire avec les 2 autres. Enfin, pour un travail si peu pénible et que je pouvais faire si commodément, il y avait un honoraire de 800 francs attaché à cette place. Je délibérai quelques heures avant que de me déterminer, et je puis jurer que ce ne fut que par la crainte de fâcher Margency et de déplaire à Monsieur de Malesherbes. Mais enfin, la gêne insupportable de ne pouvoir travailler à mon heure et d'être commandé par le temps, bien plus encore la certitude de mal remplir les fonctions dont il fallait me charger, l'emportèrent sur tout et me déterminèrent à refuser une place pour laquelle je n'étais pas propre. Je savais que tout mon talent ne venait que d'une certaine chaleur d'âme sur les matières que j'avais à traiter, et qu'il n'y avait que l'amour du grand, du vrai, du beau qui pût animer mon génie. Et que m'auraient importé les sujets de la plupart des livres que j'aurais à extraire, et les livres même. Mon indifférence pour la chose eût glacé ma plume et abruti mon esprit. On s'imaginait que je pouvais écrire par métier, comme tous les autres gens de lettres, au lieu que je ne sus jamais écrire que par passion. Ce n'était assurément pas là ce qu'il fallait au journal des savants. J'écrivis donc à Margency une lettre de remerciement, tournée avec toute l'honnêteté possible, dans laquelle je lui fis si bien le détail de mes raisons qu'il ne se peut pas que ni lui ni Monsieur de Malesherbes aient cru qu'il entrât ni humeur ni orgueil dans mon refus. Aussi l'approuvèrent-ils l'un et l'autre sans m'en faire moins bon visage. Et le secret fut si bien gardé sur cette affaire que le public n'en a jamais eu le moindre vent. Cette proposition ne venait pas dans un moment favorable pour me la faire agréer, car depuis quelque temps, je formais le projet de quitter tout à fait la littérature et surtout le métier d'auteur. Tout ce qui venait de m'arriver m'avait absolument dégoûté des gens de lettres, et j'avais éprouvé qu'il était impossible de courir la même carrière sans avoir quelque liaison avec eux. Je ne l'étais guère moins des gens du monde, et, en général, de la vie mixte que je venais de mener, moitié à moi-même et moitié à des sociétés pour lesquelles je n'étais point fait. Je sentais plus que jamais, et par une constante expérience, que toute association inégale est toujours désavantageuse aux parties faibles. Vivant avec des gens opulents, et d'un autre état que celui que j'avais choisi, sans tenir maison comme eux, j'étais obligée de les imiter en bien des choses, et des menues dépenses, qui n'étaient rien pour eux, étaient pour moi non moins ruineuses qu'indispensables. Qu'un autre homme aille dans une maison de campagne, il est servi par son laquais, tant à table que dans sa chambre. Il l'envoie chercher tout ce dont il a besoin, n'ayant rien à faire directement avec les gens de la maison, ne les voyant même pas. Il ne leur donne des étrennes que quand et comme il lui plaît. Mais moi, seule, sans domestique, j'étais à la merci de ceux de la maison, dont il fallait nécessairement capter les bonnes grâces pour n'avoir pas beaucoup à souffrir. Et, traité comme l'égal de leur maître, il en fallait aussi traiter les gens comme tels, et même faire pour eux plus qu'un autre, parce qu'en effet, j'en avais bien plus besoin. Passe encore quand il y a peu de domestiques, mais dans les maisons où j'allais, il y en avait beaucoup, tous très rogues, très fripons, très alertes, j'entends pour leur intérêt. Et les coquins savaient faire en sorte que j'avais successivement besoin de tous. Les femmes de Paris, qui ont tant d'esprit, n'ont aucune idée juste sur cet article, et à force de vouloir économiser ma bourse, elles me ruinaient. Si je soupais en ville un peu loin de chez moi, au lieu de souffrir que j'envoyasse chercher un fiacre, la dame de la maison faisait mettre les chevaux pour me ramener. Elle était fort aise de m'épargner les 24 sous du fiacre. Quant à l'écu que je donnais au laquais et au cocher, elle n'y songeait pas. Une femme, m'écrivait-elle, de Paris à l'Ermitage ou à Montmorency. Ayant regret aux 4 sous de porc que sa lettre m'aurait coûté, elle me l'envoyait par un de ses gens, qui arrivait à pied tout en âge et à qui je donnais à dîner, et un écu qu'il avait assurément bien gagné. Me proposait-elle d'aller passer 8 ou 15 jours avec elle à sa campagne? Elle se disait en elle-même. Ce sera toujours une économie pour ce pauvre garçon. Pendant ce temps-là, sa nourriture ne lui coûtera rien. Elle ne songeait pas qu'aussi, durant ce temps-là, je ne travaillais point, que mon ménage et mon loyer et mon linge et mes habits n'en allaient pas moins, que je payais mon barbier à double et qu'il ne laissait pas de m'en coûter chez elle plus qu'il ne m'en aurait coûté chez moi. Quoique je bornasse mes petites largesses aux seules maisons où je vivais d'habitude, elle ne laissait pas de m'être ruineuse. Je puis assurer que j'ai bien versé 25 écus chez madame Doutetot à Aubonne, où je n'ai couché que 4 ou 5 fois, et plus de 100 pistoles, tant à Épinay qu'à la Chevrette, pendant les 5 ou 6 ans que j'y fus le plus assidu. Ces dépenses sont inévitables pour un homme de mon humeur, qui ne sait se pourvoir de rien, ni s'ingénier sur rien, ni supporter l'aspect d'un valet qui grogne et qui vous sert en rechignant. Chez madame Dupin même, où j'étais de la maison, et où je rendais 1000 services aux domestiques, je n'ai jamais reçu les leurs qu'à la pointe de mon argent. Dans la suite, il a fallu renoncer tout à fait à ces petites libéralités, que ma situation ne m'a plus permis de faire. Et c'est alors qu'on m'a fait sentir bien plus durement encore l'inconvénient de fréquenter des gens d'un autre état que le sien. Encore, si cette vie eût été de mon goût, je me serais consolée d'une dépense onéreuse consacrée à mes plaisirs. Mais se ruiner pour s'ennuyer est trop insupportable. Et j'avais si bien senti le poids de ce train de vie que, profitant de l'intervalle de liberté où je me trouvais pour lors, j'étais déterminée à le perpétuer, à renoncer totalement à la grande société, à la composition des livres, à tout commerce de littérature, et à me renfermer, pour le reste de mes jours, dans la sphère étroite et paisible pour laquelle je me sentais née. Le produit de la lettre à D'Alembert et de la nouvelle Héloïse avait un peu remonté mes finances, qui s'étaient fort épuisées à l'Ermitage. Je me voyais environ 1000 écus devant moi. Les 1000 auxquels je m'étais mis tout de bon quand j'eus achevé l'Héloïse étaient fort avancés, et son produit devait au moins doubler cette somme. Je formais le projet de placer ce fonds de manière à me faire une petite rente viagère, qui put, avec ma copie, me faire subsister sans plus écrire. J'avais encore 2 ouvrages sur le chantier. Le premier était mes institutions politiques. J'examinais l'état de ce livre et je trouvais qu'il demandait encore plusieurs années de travail. Je n'eus pas le courage de le poursuivre et d'attendre qu'il fût achevé pour exécuter ma résolution. Ainsi, renonçant à cet ouvrage, je résolus d'en tirer tout ce qui pouvait se détacher, puis de brûler tout le reste. Et poussant ce travail avec zèle, sans interrompre celui de l'Émile, je mis en moins de 2 ans la dernière main au contrat social. restait le dictionnaire de musique. C'était un travail de manœuvre qui pouvait se faire en tout temps et qui n'avait pour objet qu'un produit pécuniaire. Je me réservais de l'abandonner ou de l'achever à mon aise, selon que mes autres ressources rassemblées me rendraient celle-là nécessaire ou superflue. À l'égard de la morale sensitive, dont l'entreprise était restée en esquisse, je l'abandonnais totalement. Comme j'avais en dernier projet, si je pouvais me passer tout à fait de la copie, celui de m'éloigner de Paris, où l'affluence des survenants rendait ma subsistance coûteuse et m'ôtait le temps d'y pourvoir, pour prévenir dans ma retraite l'ennui dans lequel on dit que tombe un auteur quand il a quitté la plume, je me réservais une occupation qui pût remplir le vide de ma solitude sans me tenter de plus rien faire imprimer de mon vivant. Je ne sais par quelle fantaisie Ray me pressait depuis longtemps d'écrire les mémoires de ma vie. Quoiqu'ils ne fussent pas jusqu'alors fort intéressants par les faits, je sentis qu'ils pouvaient le devenir par la franchise que j'étais capable d'y mettre, et je résolus d'en faire un ouvrage unique, par une véracité sans exemple, afin qu'au moins une fois on pût voir un homme tel qu'il était en dedans. J'avais toujours ri de la fausse naïveté de Montaigne, qui, faisant semblant d'avouer ses défauts, a grand soin de ne s'en donner que d'aimables. Tandis que je sentais, moi qui me suis cru toujours et qui me crois encore à tout prendre le meilleur des hommes, qu'il n'y a point d'intérieur humain, si pur qu'il puisse être, qui ne recèle quelque vice odieux. Je savais qu'on me peignait dans le public sous des traits si peu semblables aux miens, et quelquefois si difformes, que malgré le mal dont je ne voulais rien taire, je ne pouvais que gagner encore à me montrer tel que j'étais. D'ailleurs, cela ne se pouvant faire sans laisser voir aussi d'autres gens tels qu'ils étaient, et par conséquent cet ouvrage ne pouvant paraître qu'après ma mort et celle de beaucoup d'autres, cela m'enhardissait davantage à faire mes confessions, dont jamais je n'aurais à rougir devant personne. Je résolus donc de consacrer mes loisirs à bien exécuter cette entreprise, et je me mis à recueillir les lettres et papiers qui pouvaient guider ou réveiller ma mémoire, regrettant fort tout ce que j'avais déchiré, brûlé, perdu jusqu'alors. Ce projet de retraite absolue, un des plus sensés que j'eusse jamais fait, était fortement empreint dans mon esprit. Et déjà je travaillais à son exécution, quand le ciel, qui me préparait une autre destinée, me jeta dans un nouveau tourbillon. Montmorency, cet ancien et beau patrimoine de l'illustre maison de ce nom, ne lui appartient plus depuis la confiscation. Il a passé, par la sœur du duc Henri, dans la maison de Condé, qui a changé le nom de Montmorency en celui d'Enghien. Et ce duché n'a d'autre château qu'une vieille tour où l'on tient les archives et où l'on reçoit les hommages des vassaux. Mais on voit à Montmorency ou Enghien une maison particulière bâtie par Croizat, dit le pauvre, laquelle, ayant la magnificence des plus superbes châteaux, en mérite et en porte le nom. L'aspect imposant de ce bel édifice, la terrasse sur laquelle il est bâti, sa vue unique peut-être au monde, son vaste salon peint d'une excellente main, son jardin planté par le célèbre Lenôtre, tout cela forme un tout dont la majesté frappante a pourtant je ne sais quoi de simple qui soutient et nourrit l'admiration. Monsieur le maréchal duc de Luxembourg, qui occupait alors cette maison, venait tous les ans dans ce pays où jadis ses pères étaient les maîtres, passer en deux fois 5 ou 6 semaines comme simple habitant, mais avec un éclat qui ne dégénérait point de l'ancienne splendeur de sa maison. Au premier voyage qu'il y fit depuis mon établissement à Montmorency, monsieur et madame la maréchale envoyèrent un valet de chambre me faire compliment de leur part et m'inviter à souper chez eux toutes les fois que cela me ferait plaisir. À chaque fois qu'ils revinrent, ils ne manquèrent point de réitérer le même compliment et la même invitation. Cela me rappelait Madame de Besenval m'envoyant dîner à l'office. Les temps étaient changés, mais j'étais demeuré le même. Je ne voulais point qu'on m'envoyât dîner à l'office, et je me souciais peu de la table d'écran. J'aurais mieux aimé qu'ils me laissassent pour ce que j'étais, sans me fêter et sans m'avilir. Je répondis honnêtement et respectueusement aux politesses de Monsieur et de Madame de Luxembourg, mais je n'acceptai point leurs offres. Et, tant mes incommodités que mon humeur timide et mon embarras à parler, me faisant frémir à la seule idée de me présenter dans une assemblée des gens de la cour, je n'allai pas même au château faire une visite de remerciement, quoique je comprisse assez que c'était ce qu'on cherchait, et que tout cet empressement était plutôt une affaire de curiosité que de bienveillance. Cependant, les avances continuèrent et allèrent même en augmentant. Madame la comtesse de Bouffier, qui était fort liée avec Madame la maréchale, étant venue à Montmorency, envoya savoir de mes nouvelles et me proposait de me venir voir. Je répondis comme je devais, mais je ne démarrai point. Au voyage de Pâques de l'année suivante, 1759, le chevalier de Lorenzi, qui était de la cour de Monsieur le prince de Conti et de la société de Madame de Luxembourg, vint me voir plusieurs fois. Nous fîmes connaissance, il me pressa d'aller au château. Je n'en fis rien. Enfin, une après-midi que je ne songeais à rien moins, je vis arriver Monsieur le maréchal de Luxembourg, suivi de 5 ou 6 personnes. Pour lors, il n'y eut plus moyen de m'en dédire, et je ne pus éviter, sous peine d'être un arrogant et un mal appris, de lui rendre sa visite et d'aller faire ma cour à Madame la maréchale, de la part de laquelle il m'avait comblé des choses les plus obligeantes. Ainsi commencèrent, sous de funestes auspices, des liaisons dont je ne pus plus longtemps me défendre, mais qu'un pressentiment trop bien fondé me fit redouter jusqu'à ce que j'y fusse engagé. Je craignais excessivement Madame de Luxembourg. Je savais qu'elle était aimable, je l'avais vue plusieurs fois au spectacle et chez Madame Dupin il y avait 10 ou 12 ans, lorsqu'elle était duchesse de Bouffier et qu'elle brillait encore de sa première beauté. Mais elle passait pour méchante, et dans une aussi grande dame, cette réputation me faisait trembler. À peine l'eus-je vue que je fus subjuguée. Je la trouvais charmante, de ce charme à l'épreuve du temps, le plus fait pour agir sur mon cœur. Je m'attendais à lui trouver un entretien mordant et plein d'épigrammes. Ce n'était point cela. C'était beaucoup mieux. La conversation de Madame de Luxembourg ne pétille pas d'esprit, ce ne sont pas des saillies, et ce n'est pas même proprement de la finesse. Mais c'est une délicatesse exquise qui ne frappe jamais et qui plaît toujours. Ces flatteries sont d'autant plus enivrantes qu'elles sont plus simples. On dirait qu'elles lui échappent sans qu'elle y pense, et que c'est son cœur qui s'épanche, uniquement parce qu'il est trop rempli. Je crus m'apercevoir, dès la première visite, que, malgré mon air gauche et mes lourdes phrases, je ne lui déplaisais pas. Toutes les femmes de la cour savent vous persuader cela quand elles le veulent. Vrai ou non. Mais toutes ne savent pas, comme Madame de Luxembourg, vous rendre cette persuasion si douce qu'on ne s'avise plus d'en vouloir douter. Dès le premier jour, ma confiance en elle eût été aussi entière qu'elle ne tarda pas à le devenir si Madame la Duchesse de Montmorency, sa belle-fille, jeune folle assez maligne et, je pense, un peu tracassière, ne se fût avisé de m'entreprendre, et, tout au travers de forts éloges de sa maman et de feintes agaceries pour son propre compte, ne m'eût mis en doute si je n'étais pas persiflé. Je me serais peut-être difficilement rassuré sur cette crainte auprès des deux dames, si les extrêmes bontés de Monsieur le maréchal ne m'eussent confirmé que les leurs étaient sérieuses. Rien de plus surprenant, vu mon caractère timide, que la promptitude avec laquelle je le pris au mot sur le pied d'égalité, où il voulut se mettre avec moi. Si ce n'est peut-être celle avec laquelle il me prit au mot lui-même sur l'indépendance absolue avec laquelle je voulais vivre. Persuadés l'un et l'autre que j'avais raison d'être content de mon état et de n'en vouloir pas changer, ni lui ni Madame de Luxembourg n'ont paru vouloir s'occuper un instant de ma bourse ou de ma fortune. Quoique je ne pusse douter du tendre intérêt qu'ils prenaient à moi tous les deux, jamais ils ne m'ont proposé de place et ne m'ont offert leur crédit, si ce n'est une seule fois que Madame de Luxembourg parut désirer que je voulusse entrer à l'Académie française. J'alléguai ma religion, elle me dit que ce n'était pas un obstacle, ou qu'elle s'engageait à le lever. Je répondis que, quelque honneur que ce fût pour moi d'être membre d'un corps si illustre, ayant refusé à Monsieur de Tressan, et en quelque sorte au roi de Pologne, d'entrer dans l'Académie de Nancy, je ne pouvais plus honnêtement entrer dans aucune. Madame de Luxembourg n'insista pas, et il n'en fut plus reparlé. Cette simplicité de commerce avec de si grands seigneurs et qui pouvait tout en ma faveur, Monsieur de Luxembourg étant et méritant bien d'être l'ami particulier du roi, contraste bien singulièrement avec les continuels soucis, non moins importuns qu'officieux, des amis protecteurs que je venais de quitter et qui cherchaient moins à me servir qu'à m'avilir. Quand Monsieur le Maréchal m'était venu voir à Montlouis, je l'avais reçu avec peine, lui et sa suite, dans mon unique chambre, non parce que je fus obligé de le faire asseoir au milieu de mes assiettes sales et de mes pots cassés, mais parce que mon plancher pourri tombait en ruine et que je craignais que le poids de sa suite ne l'effondrât tout à fait. Moins occupé de mon propre danger que de celui que l'affabilité de ce bon seigneur lui faisait courir, je me hâtai de le tirer de là pour le mener, malgré le froid qu'il faisait encore, à mon donjon, tout ouvert et sans cheminée. Quand il y fut, je lui dis la raison qui m'avait engagé à l'y conduire. Il la redit à Madame la Maréchale, et l'un et l'autre me pressèrent, en attendant qu'on referait mon plancher, d'accepter un logement au château, ou, si je l'aimais mieux, dans un édifice isolé qui était au milieu du parc et qu'on appelait le Petit Château. Cette demeure enchantée mérite qu'on en parle. Le parc ou jardin de Montmorency n'est pas en plaine comme celui de la Chevrette. Il est inégal, montueux, mêlé de collines et d'enfoncements, dont l'habile artiste a tiré parti pour varier les bosquets, les ornements, les eaux, les points de vue, et multiplier pour ainsi dire, à force d'art et de génie, un espace en lui-même assez resserré. Ce parc est couronné dans le haut par la terrasse et le château. Dans le bas, il forme une gorge qui s'ouvre et s'élargit vers la vallée, et dont l'angle est rempli par une grande pièce d'eau. Entre l'orangerie qui occupe cet élargissement et cette pièce d'eau, entourée de coteaux bien décorés de bosquets et d'arbres, est le petit château dont j'ai parlé. Cet édifice et le terrain qui l'entoure appartenaient jadis au célèbre Lebrun, qui se plut à le bâtir et le décorer avec ce goût exquis d'ornements et d'architecture dont ce grand peintre s'était nourri. Ce château, depuis lors, a été rebâti, mais toujours sur le dessin du premier maître. Il est petit, simple, mais élégant. Comme il est dans un fond entre le bassin de l'orangerie et la grande pièce d'eau, par conséquent sujet à l'humidité, on l'a percé dans son milieu d'un péristyle à jour entre deux étages de colonnes, par lequel l'air, jouant dans tout l'édifice, le maintient sec malgré sa situation. Quand on regarde ce bâtiment de la hauteur opposée qui lui fait perspective, il paraît absolument environné d'eau, et l'on croit voir une île enchantée, ou la plus jolie des trois îles Borromée, appelée Isola Bella dans le lac Majeur. Ce fut dans cet édifice solitaire qu'on me donna le choix d'un des 4 appartements complets qu'il contient. Outre le rez-de-chaussée, composé d'une salle de bal, d'une salle de billard et d'une cuisine. Je pris le plus petit et le plus simple, au-dessus de la cuisine, que j'eus aussi. Il était d'une propreté charmante. L'ameublement en était blanc et bleu. C'est dans cette profonde et délicieuse solitude qu'au milieu des bois et des eaux, au concert des oiseaux de toute espèce, au parfum de la fleur d'orange, je composais dans une continuelle extase le 5e livre de l'Émile, dont je dus en grande partie le coloris assez frais à la vive impression du local où je l'écrivais. Avec quel empressement je courais tous les matins au lever du soleil respirer un air embaumé sur le péristyle. Quel bon café au lait j'y prenais, tête à tête avec ma Thérèse. Ma chatte et mon chien nous faisaient compagnie. Ce seul cortège m'eût suffi pour toute ma vie, sans éprouver jamais un moment d'ennui. J'étais là, dans le paradis terrestre. J'y vivais avec autant d'innocence, et j'y goûtais le même bonheur.